Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Je vous ai encore fait une belle sélection cette semaine. On a pas mal de styles variés. On va commencer avec un peu de freak folk, un petit peu de post-rock. J'ai du hip-hop instrumental et du hip-hop, expérimental. Puis ensuite de ça, je vais vous finir ça avec une pièce techno-minimale. Donc, on va, comme à l'habitude, vraiment dans tous les sens. Ben, je vous rappelle que les pièces, ben, vous pouvez les télécharger si vous aimez ça. Donc, je vous invite à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, on va débuter avec un groupe qui sont composés de membres de la France et de l'Espagne. Le groupe s'appelle Butano Bazar. Je vous fais passer leur pièce néoprène. Puis ensuite de ça, de l'Allemagne, Julia Kotowski, qui évolue sous le nom de Entertainment for the Brain Dead. Je vous fais passer sa pièce Relapse. Ça, c'est sur le net label A Records. Donc, ben, c'est ça, on débute tout de suite Web Music avec Butano Bazar. La mâchoire, la parenthèse. Lay down, Daddy, baby, the house tonight. une très belle pièce de Julia Kotowski, plus connue sous le nom de Entertainment for the Brain Dead. C'était sa pièce Relapse. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On avait débuté avec un groupe de la France et de l'Espagne qui s'appelle Butano Bazar. C'était la pièce Néoprène. On va poursuivre avec une pièce qui est sur une pièce qui s'appelle Fly Part One par Moulin, un artiste qui vient de Hambourg en Allemagne. Donc c'est un album qui va sortir le 27 avril. L'album s'appelle Art of Earthwork. Donc c'est sur le net label LCL, qui veut dire libre comme l'air. Donc vous avez une petite primeur. Donc c'est ça, on va entendre la pièce Fly Part One. Ensuite de ça, de l'Argentine, le groupe s'appelle CLDSCP. Je vous fais passer la pièce Ceres Extranos. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite Moulin. Thank you. Tout juste d'entendre un groupe qui vient de l'Argentine du nom de Kaleidoscopo. Ils sont représentés plutôt sous le nom de CLDSCP. Donc, vous avez peut-être cru reconnaître quelques jouets pour enfants. Donc, le groupe affectionne particulièrement les jouets, les incorpore dans leurs pièces. Je trouve que ça fait un drôle d'ajout. C'est vraiment donc excellent. C'était la pièce Seres Extraños. Puis avant ça, ben, c'était de la ville de Hambourg en Allemagne. L'artiste s'appelle Moulin. Je vous avais fait passer sa pièce Fly Part 1. Ça va se retrouver sur l'album Art of Artwork qui sort le 27 avril sur le netlabel LCL, Libre comme l'air. Donc, on va poursuivre Web Music avec un artiste qui vient de Flint, Michigan. Ça s'appelle Treasure Box. Je vous fais passer la pièce 100 Miles Gone. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Puis ensuite de ça, de l'Angleterre, un autre groupe. Vous allez voir, la pièce est vraiment originale. Le groupe s'appelle The Mordekers. Je vous fais passer la pièce Odd Socks. Donc, c'est la cornemuse, mais vous allez voir, c'est vraiment au goût du jour. C'est vraiment complètement excellent, cette pièce-là. Je l'adore. Donc, ben, c'est ça tout de suite à Wind Music. On écoute Treasure Box avec leur pièce 100 Miles Gone. Fuck! CKRL tient à remercier Sillon, le disquaire indépendant, partenaire de son 29e Radioton. Comme la première radio communautaire en Amérique du Nord, Sillon innove, favorise les découvertes musicales et met en vedette ses coups de cœur. Merci d'avoir investi dans la mission du 89.1, la radio culturelle à Québec. Tu ne crois pas en Dieu, alors ne t'avise pas de te prendre pour lui. Noctambule, opiumane et lesbienne volage. Mireille avait vécu les années folles sans contrainte ni tabou. On sait depuis toujours que va de bon cœur la cure des modes et des idées reçues. Le numéro 300 de Nuit Blanche est actuellement en kiosque et en librairie. Blanche, le magazine littéraire fait à Québec. Des collaborateurs et des lecteurs partout au Québec. Abonnez-vous au 692-1354 ou à nuitblanche.com. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait The Mordekaiser, la pièce Odd Socks. The Mordekaiser, un groupe qui vient de l'Angleterre. Donc, un peu de cornemuse, musique celtique à tendance funk presque. Donc, vraiment intéressant. Puis avant ça, ben c'était Treasure Box, un artiste qui a décidé de ramasser tous les instruments qu'il avait, tous les trucs qui traînaient chez lui. Donc, c'était en septembre dernier. Puis, il a concocté un album avec ça. C'est complètement pété. Je vous invite à le télécharger. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ben pour ça, rendez-vous sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Sur le site, j'ai la playlist des émissions. Puis l'émission est aussi disponible en balado-diffusion, donc si vous manquez des petits bouts, ben vous pouvez écouter l'émission quand bon vous semble, avec votre lecteur MP3 ou ben sur votre ordinateur. On va poursuivre avec des artistes qui sont un peu plus dans le domaine électronique, si on veut. On a commencé avec un peu de freak folk, donc on va poursuivre avec un artiste qui vient de la Chine, une collaboration avec un artiste de la Chine et un autre de Paris. Celui de la Chine s'appelle Jian Liang, puis celui de Paris, Jerry Cooks. Donc, je vous fais passer leur pièce Pure Asian Dub. C'est sur une merveilleuse compilation qui vient de sortir sur Fresh Pulp Records. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Des petites tendances dub avec musique chinoise. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau mix. Ensuite de ça, sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, je vous fais passer Transient. C'est un artiste qui vient de Gloverville aux États-Unis. Je vous fais passer sa pièce It's a Beautiful Day Outside. Donc, vous allez voir, ça aussi, c'est excellent. On débute tout de suite avec Kian Lang et Jerry Cooks, la pièce Pure Asian Dub. Thank you. Toujours à l'antenne de CKRL, vous venez tout juste d'entendre la pièce « It's a beautiful day outside » par Transient. Transient, c'est un artiste qui vient de la ville de Gloverville aux États-Unis. Un artiste extrêmement prolifique. Vous pouvez d'ailleurs acheter un DVD qui contient sa discographie complète. C'est sa discographie complète depuis 1999 à 2010, donc un gros 38 heures de musique. Ça vaut vraiment la peine pour un petit 15$, donc vous pouvez acheter ça directement sur son site. Sinon, ben, la plupart de ses albums est quand même disponible gratuitement, donc je vous invite à télécharger ses pièces. C'est un artiste vraiment complet, vraiment intéressant. Avant ça, ben, c'était Juan Liang et Jerry Cooks, duo d'artistes qui s'est uni pour faire la pièce Pure Asian Dub. Ça se retrouve sur la compilation Dub Tentacle Volume 2. Ça, c'est sur le net label Fresh Pulp Records. Donc, une excellente compilation. Si vous aimez le dub, ben, allez-y télécharger la compilation. Ça vaut vraiment la peine. On va poursuivre avec... un artiste espagnol, plutôt deux artistes espagnols. Le premier s'appelle Andrés Caramalo. Le second s'appelle Sir Click. Donc, je vous fais entendre leur pièce Calavera. Vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est sur le net label espagnol Miga. Ensuite de ça, de la Grèce, sur le net label Cast Blast, je vous fais entendre Blen a.k.a. Mishkin. C'est la pièce Press Forward. C'est avec Palov featuring Angelus Aguilidis. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite Andrés Caramalo et Sir Click avec leur pièce Calavera. Que saque la fiera, pierdo las llaves o me la veo por fuera puesta. Está los 70 y haz canción protesta, brilla la puerta. No vengo de vuelta, pero quiero entrar y lo que me vaya a contar. Como lluvia besando mi ventana, lluvia secando sin entrar a tu tienda. Yeah. Where you gone, man? What's saying? I said, where you gone? Where you gone? I'm saints. Where you gone, man? Where you gone? I said, where you gone? Where you gone? What saints? Where you gone, man? Where you gone? I said, where you gone? Where you gone? Saints. Where you gone, man? Where you gone? I said, what? Yo, cast a blast, y'all. They don't know. Sur l'étiquette Cast a Blast, une étiquette qui vient de la Grèce. Donc, c'était deux artistes qui sont eux aussi grecs. Il s'agissait de Blend, a.k.a. Mishkin, et Elephant Phoenix. Ils faisaient passer leur pièce Press Forward. Avant ça, sur l'étiquette Miga, l'étiquette espagnole Miga. Donc, un autre duo, mais cette fois-ci espagnol. Il s'agissait de Andrés Caramolo et Sir Click. Donc, c'était la pièce Calavera. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite, comme toujours, à venir faire un tour sur le site de l'émission. C'est pas mal là que ça se passe. Donc, vous avez accès à pas mal tous les artistes qui jouent à l'émission. Vous avez accès à la balado-diffusion. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Donc, tout au long de la semaine, l'émission n'arrête pas. C'est live le dimanche, mais ça se poursuit tout au long de la semaine. Donc, c'est ça. Venez faire un tour au www.webmusique.org. Ça va être votre source de musique à télécharger gratuitement. On va se quitter sur une dernière pièce à tendance techno-minimale. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. L'artiste s'appelle Data B. Donc, c'est la pièce Intruder Try. Ça se retrouve sur le netlabel Signora Franca. Netlabel avec une présentation vraiment minimale. Ils ont des trucs vraiment assez variés. Vous allez voir, donc, aller faire un petit tour de leur côté. Donc, c'est ça, je vous laisse sur la pièce Intruder Try. Puis, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h. Passez une belle soirée. Do not. Oui, n'avez rien à faire le mardi soir, non? Vous aimez le théâtre? Hein? Vous aimez le hockey? Mais j'ai déjà répondu. Vous ne faites rien le mardi soir? Vous sortez d'où, vous? Combinez les deux et venez voir les matchs de la Ligue d'improvisation de Québec. OK, mais arrêtez de me crier après. Tous les mardis soirs, dès 20h à la Casbah, 240 Saint-Joseph-Est. Lâchez-moi. Coût d'entrée, 4$. C'est pas trop cher. Pour plus d'informations, improleague.com. Une présentation CKRL 89.1. Pouvez-vous vous en aller maintenant? Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, la radio culturelle. Let's go!